enveloppe brune le fun d'accommodement raisonnable. Je viens de parler justement à la personne concernée, qui est un musulman prof à Sherbrooke. Ah, mon Dieu, on va parler des musulmans. Un bon prof qui a l'air ben intéressant. Ahmed Koumsi. C'était comme si il était à côté de moi, mais j'ai parlé, j'étais au téléphone. Ouais. Puis il voulait pas venir en entrevue, mais là, il songe à ça, il pense à ça. C'est une décision qui a été rendue dans le district de Sherbrooke, Cour du Québec, sous la présidence du bon juge Serge Champoux. Je vous le dis tout de suite, on met la table. C'est un cas d'accommodement raisonnable, en partie à cause du Ramadan. OK. Ouais. Donc, on s'entend s'atténuer. Il a gagné. Et ça a été l'un des facteurs considérés qu'il était affaibli à cause du Ramadan. Le Ramadan, c'est la période de l'année où les musulmans ne mangent pas et ne boivent pas le jour. Mais dès que le soleil est couché, ils peuvent le faire. Genre la période de jeûne, là. Période de jeûne, exactement. Exact. C'est carrément c'est ça, c'est dans le jeûne du Ramadan. Et le juge a considéré ça dans cette décision. Est bonne? Ben, c'est ça. Ahmed Koumsi contre la reine, contre la poursuite. Je vous rappelle les faits. Quand même un accident qui est pas banal. Ahmed Koumsi conduit son char le 4 septembre 2009. Conduit son char de manière dangereuse à Windsor. Pas Windsor, Ontario, Windsor au Québec. En Estrie. En Estrie. Et ce faisant, a causé des lésions corporelles à JG. JG, c'est la conjointe, ils veulent pas l'identifier, là, mais c'est la conjointe de nommer Stéphane Gagné. OK. Et Stéphane Gagné, je le connais pas, j'ai pas parlé, mais il est dans la décision et c'est l'une des victimes là-dedans, victime de l'accident. Donc, le vendredi 4 septembre 2009, Stéphane Gagné, sa conjointe et leurs deux enfants circulent sur l'autoroute 55 en direction au nord. Donc, direction nord, 55, tu roules au nord. C'est comme Sherbrooke-Drummond. Oui, c'est ça. Puis tu continues 55, mais là, tu te ramasses à Shawinigan avant longtemps, tu comprends-tu. Bon. Mais là, on est carrément en Estrie à ce moment-là. Il se rend à Québec. Peut-être que ce sont donc des gens de Québec. Peut-être que vous nous écoutez, vous connaissez le cas. Live à tradiowix.com, 1-877-440-2464. Il est environ 18 heures. Il fait soleil. On dit qu'il fait chaud, 4 septembre. Quand même des bonnes, un bon 20-22 degrés ben certains. Oui, c'est possible. Et la soirée est idéale. Comme c'est le début de la fin de semaine, la circulation sur l'autoroute est appréciable. Ils sont dans la voie de droite et circulent à vitesse normale. Ils aperçoivent soudain devant eux, au sommet d'un bout de route rectiligne, je lis lentement, là, parce que je veux qu'on suive la patente. Okay. Un véhicule dans la voie de droite également, dont les feux de recul sont allumés. Le gars, il recule sur l'autoroute. C'est assez clair. Effectivement, le véhicule recule, ce qui est surprenant sur une autoroute. Voyant ceci, Stéphane Gagné ralentit. Ça, cette histoire-là, en passant, vous l'avez pas dans vos journaux de ce matin. Stéphane Gagné ralentit et se place dans la voie de gauche afin de s'éloigner de ce véhicule. Ah oui, pour l'éviter, là. Qui est dangereux. Mais celui-ci tourne soudainement pour se placer l'arrière vers la droite, perpendiculairement à la circulation, puis sans s'arrêter, démarre vers la gauche, toujours perpendiculairement à la circulation. Le gars, il roule à l'envers du trafic. Ben, il s'est mis pour bloquer les deux voies. Bord à bord. C'est ça. C'est puis il est reparti vers l'autre bord. Ben oui. Stéphane Gagné... Pas dangereux, pas en tout. Là. Non, pas en tout. Tout le monde a déjà fait ça sur l'autoroute, là. Ben, vous allez voir qu'il y avait un bon accommodement. OK. Stéphane Gagné, qui est alors presque à la hauteur de ce véhicule, ne roule plus qu'à environ 80 km/h, mais ne peut éviter l'impact. Les deux véhicules se retrouvent dans le terre-plein, entre les voies d'autoroute. Tout près de cet endroit se trouve un passage entre les deux voies d'autoroute interdit aux véhicules circulant couramment sur celle-ci, mais destiné à permettre aux demi-tours faire des U-turns, les chars de police, chars de déneigement, tout ça. L'impact est violent. L'automobile de la famille Gagné enfonce la portière du côté du conducteur de l'autre char, celui de Koumsi. Qui était rendu perpétuel, c'est logique, là. Il s'est rentré dans le côté. Et pousse ce véhicule sur plusieurs mètres jusque dans le terre-plein. Gigé, c'est sa conjointe. Oui. La dame qui est la voisine. La conjointe de M. Gagné, oui, a une fracture au bras et blessée au dos. Elle a également les dents cassées. Ça fait ses papilles. L'accusé lui-même subit quelques blessures dans cet accident, blessures somme toute mineures. Il ne conteste pas véritablement cette description des événements. À date, là, quand on s'entend, ça patente. Ahmed Koumsi est âgé de 49 ans lorsque surviennent les événements. C'est un prof à l'Université de Sherbrooke, faculté de génie depuis 96. Il est marié, père de deux enfants, se déplace souvent à son travail en autobus. Je sais pas pourquoi il écrit ça, là. Le juge, mais il détient son permis de conduire valide depuis plusieurs années. Donc, autrement dit, ce que le juge écrit ici, c'est que, gars, même s'il prend l'autobus, il devrait savoir chauffer, il a un permis de conduire. Oui. La preuve révèle qu'en général, l'accusé est un homme très respectueux de la réglementation et de la loi. Donc, il n'y a pas beaucoup de tickets, il y a un bon dossier. Il y a un bon dossier. Rien ne permet de croire qu'il a des tâches à son dossier de conducteur. Le véhicule avec lequel il a l'accident la journée en question est le sien et est le véhicule familial. C'est un Civic 91 quatre portes. Bref, ce qu'il nous dit, c'est que tout va bien, puis il y a pas de raison de penser que ce gars, tu sais, c'est pas un récidiviste d'alcool, il y a pas 200 tickets de vitesse, il y a pas, tu sais. T'as un père de famille, puis il y a un auto familial, puis là, mais ça c'est arrivé. Écoutez bien le prochain paragraphe. Paragraphe 14 de cette décision-là qui n'a jamais été rapportée, dont j'ai obtenu copie. C'est une décision qui est tombée le 26 octobre dernier. C'est la date d'audience. Mais c'est le 5 décembre qu'a été rendue cette décision. Ahmed Koumsi est musulman. Ceci est pertinent. Ah oui. Ouais, mais Luc Tremblay, lui, était chrétien. Il y a eu un autre accident il y a 3 ans. Ah, c'était pas pertinent. OK. Ahmed Koumsi est musulman, cela est pertinent. Ouais, mais... Voyons. T'as peu. Julie Laurier était témoin de Jéhovah, a fait un accident, t'en souviens, il y a 3-4 ans. Mais cela n'est pas pertinent. Ah, OK. Ahmed Koumsi est musulman, ceci est pertinent. Drôle de phrase en passant. C'est... Pourquoi? C'est écrit, vraiment, là. Puisqu'au moment de l'accident, il est en plein rang. Ah non, là, il va pas nous dire qu'il y a eu comme un blackout, là. L'accusé est pratiquant. Yeah, right. Bravo. Et conformément au principe qu'il applique, il jeûne du lever au coucher du soleil. Il ne boit ni ne mange. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu. Il est au 14e jour du ramadan. Il est faible. Sa femme et ses enfants sont partis pour quelques jours, ai-je compris, en vacances, possiblement. Lui-même travaille le 4 septembre et devait les prendre à l'aéroport le lendemain. Il termine sa journée de travail et retourne chez lui vers 17 heures. N'ayant que peu à faire, il décide d'entreprendre de couper les haies avec une scie manuelle. Ça vous arrive souvent, vous autres? Tu sais, il me semble que t'as rien à faire, tu vireuilles dans la maison, tu pognes la scie puis tu coupes les haies. Ça arrive. C'est arrivé là. Mais c'est pas contesté, là. C'est vraiment arrivé. Oh oui. Et après une quarantaine de minutes de travail, il se coupe à un doigt avec la scie. Le sang coule abondamment. Il ignore la gravité de sa blessure, mais il craint le pire. Il est le seul et ne sait pas comment réagir. Il panique, dit-il. Et je le crois, écrit le juge. Cet état de panique le guide pour la suite des événements. Il prend la décision de se rendre à l'hôpital, mais pour s'y rendre, prend son char. Après avoir maladroitement enveloppé sa main blessée d'une serviette, bien qu'il ait pu appeler une ambulance, il n'y pense pas. Quittant son domicile, il passe devant un poste de pompiers. Il s'arrête pas, ni à cet endroit, ni ailleurs, emprunte un chemin, lequel n'est possiblement pas le plus court, pour aller prendre l'autoroute, désireux d'y rejoindre le centre hospitalier de Sherbrooke à Fleurimont. Il est déjà allé à cet endroit avec sa famille. Il respecte vraisemblablement les limites de vitesse, mais il ne réfléchit pas. Peu après son départ, il se rend compte qu'il est faible. Peu après son départ, il se rend compte qu'il est faible. C'est 14 jours qu'il n'a pas mangé. Ou il mange le soir, tu sais, très peu. T'as peu, Jean-Claude. Je me rends compte que j'étais fatigué. Mais me rendre compte qu'après ne pas avoir mangé ni bu, hein, en passant, de la journée, j'étais faible. Hein. Puis en plus, je me suis coupé un doigt. J'étais faible. Mais après 14 jours de Ramadan, là, juste après son départ, là, il réalise. Il se rend compte qu'il est faible et craint de s'évanouir. Et il se dit qu'il aurait dû manger ou boire quelque chose afin de se donner des forces, ce que sa religion ne lui interdit aucunement en pareilles circonstances. En pareilles circonstances, j'imagine, s'il y a une cause urgente, on peut manger, j'imagine, c'est ce que je peux comprendre. Tu comprends ça même affaire que moi? Ouais. En tout cas, mais il peut pas, sa religion ne lui interdit aucunement en pareilles circonstances d'urgence. OK. Donc, en urgence, ils peuvent manger. Oui. Ah, tu vois, je ne savais pas ça. S'il est blessé. C'est ce que l'écrit le juge à l'article 19. Donc, il aurait pu se claquer un Joe Louis, il aurait pu se faire une toast au bol de pinot, quelque chose pour le relancer un peu. Il ne l'a pas fait. Mais non, même, je te dirais juste boire un verre d'eau. Là, ça peut changer. Mais il a déjà parcouru une certaine distance. Ouais. Retourner chez lui, manger ou boire, signifie faire un demi-tour, puis perdre du temps. Il croit être à se vider de son sang. Ouais. Mais il croit ça. OK? Son inquiétude augmente comme sa panique. Ben oui. Il panique. C'est normal. Panique. Déchiré entre le retour chez lui et la crainte de s'évanouir ou de ne pas avoir assez de temps pour arriver vivant à l'hôpital, il continue de rouler. Bien qu'il connaisse l'environ où il va, il réalise tout à coup qu'il est perdu. En effet, il a raté la sortie pour l'hôpital. Il a aussi raté quelques sorties d'autoroute et il est maintenant une bonne dizaine de kilomètres de la sortie. Il a dépassé. Étant maintenant à cet endroit avec lequel il est loin d'être familier, c'est une autoroute. T'es juste passé tout droit. Étant maintenant à cet endroit avec lequel il est loin d'être familier, son état de panique augmente. Le gars reste à Sherbrooke depuis plusieurs années. Il rate une sortie d'autoroute. Il est encore sur l'autoroute. Mais il panique. Sa main blessée l'inquiète terriblement. Il décrit avoir peine à même la regarder de peur de ce qu'il verra. Il craint de mourir. Ou à tout le moins de perdre conscience, de ne jamais arriver à temps à l'hôpital. Il n'a pas son cellulaire en sa possession, oui. Ne peut appeler au secours. Encore une fois, il l'est perdu. Je vous le dis, il est sur l'autoroute, là. Mettons que vous êtes à Montréal, là, vous dépassez la sortie Saint-Julie, là, vous êtes juste rendu à Belle-Oeil, là. Il n'a pas de problème. Vous revirez de bord. Mais non, mais au pire, là, en tout cas... Au pire, t'es rendu à Saint-Hyacinthe, Jean-Claude. Au pire, partout sur le bord, sort de son char, fait des signes au monde, là, tu sais, je veux dire, c'est pas, là... Au pire, appelle l'ambulance, là, tu sais. Encore une fois, il est perdu, circulant sur l'autoroute, il aperçoit un accès ou un demi-tour. Il se pose pas de question à savoir si cette manœuvre-là est légale, permise ou non, le temps de prendre la décision. Il a toutefois déjà dépassé légèrement l'endroit où tourner. Il circulait jusque-là dans la voie de gauche à la vitesse permise. Il arrête donc sur l'autoroute, passer l'accès au demi-tour. Regarde dans le rétroviseur, voit une voiture à l'arrière, laquelle lui semble loin, peut-être un kilomètre. Il dira plus tard que cette distance en rétrospective était peut-être bien inférieure. Il croit avoir le temps de reculer et de s'engager dans le demi-tour. Il n'a qu'une main valide pour faire sa manœuvre. Il engage la transmission en marche arrière et avec la même main reprend le volant pour s'exécuter. Toujours en panique, il se rend compte qu'il dévie de sa trajectoire pour aller vers la voie de droite. S'il examine son rétroviseur, il ne voit alors plus rien, considérant l'angle de la voiture par rapport à la circulation. Étant maintenant en position de s'engager dans le demi-tour, il avance, ne regardant nulle part, et est percuté par la voiture de Stéphane Gagné. Alors qu'il s'engageait dans le demi-tour, il n'a plus rien vu. Les photos de l'accident produit démontrent sans l'ombre d'un doute la violence de l'impact sur la portière de l'accusé. Ne ressent pas de douleur particulière et est poussé dans le terre-plein. Il dit se rendre compte que la largeur intérieure de l'espace qu'il avait s'est soudainement réduite, mais je comprends, et qu'il ne peut plus sortir de sa portière. Gagné, Stéphane, affirme que Koumsi demeure dans son véhicule et qu'il appuie à fond sur l'accélérateur comme pour dégager son véhicule. L'accusé Koumsi, quant à lui, dit se souvenir sortir du véhicule et vouloir aller à l'hôpital pour être soigné. Un témoin le confirme, il semble entièrement préoccupé par sa blessure, celle de sa main, et non pas de ce qui résulte de l'accident. Et l'accident, c'est secondaire, et c'est encore sa main. Mais ça, tu sais, sous état de choc, je peux comprendre. Peut-être. Mais il y a du stock là-dedans. Là. Conduit à l'hôpital, l'accusé sera soigné. Sa main nécessitera 2 ou 3 points de suture. Ah. Ouais. C'est ça qui est écrit. La fin est bonne. Il est le premier à admettre que sa réaction a été tout à fait exagérée. Objectivement, il reconnaît que sa conduite était inappropriée. Sitôt après son accident, il collabore entièrement avec les policiers, fournit une déclaration complète, tente à plusieurs reprises de connaître l'identité de ses victimes afin de connaître leur état, présenter des excuses. L'accusé dépose également un rapport de psychiatre qu'il a rencontré. On dit qu'il n'y a pas de problème de santé mentale. De l'avis de l'expert, l'accusé ne nécessite aucune médication. C'est une personne prudente au volant. Ça va bien. Bref, il n'y a pas de problème là. Tout va. Non, mais ça, je comprends. Là, c'est arrivé. Ce qui est arrivé là, c'était une panique du gars. Là. Sauf que... Tu sais, je veux dire, le gars est en plein ramadan. Puis là, il y a beaucoup d'auditeurs en pensant qu'ils réagissent. Là. Faculté affaiblie, c'est pas juste quand t'es chaud. Hein. Ça, c'est bon. Si t'as pas mangé depuis 2 semaines... c'est bon. Tu bois pas de la journée. C'est très bon ce que vous écrivez. Puis tu prends ton char. D'après moi, t'es pas mal faculté affaiblie, là. Mais c'est bon. Puis en plus, t'es en pleine panique avec ton doigt coupé, là. Sauf que comment tu fais pour évaluer ça, par contre? Je trouve ça intéressant. Mais comment fais-tu pour évaluer ça de manière scientifique? Ben, moi, je connais quelqu'un qui a déjà eu un ticket de faculté affaiblie parce qu'il était fatigué. Oh non, je comprends, mais lui, c'est même pas de la fatigue. C'est qu'on dit qu'il était à son 14e jeûne, jour de jeûne. Ouais. Puis qu'il était blessé. Sauf qu'il il pouvait manger la nuit. Je sais pas s'il mangeait la nuit, ouais. Mais il pouvait mais faire. Mais non, mais là, au moment où c'est arrivé, il a pas mangé puis il a pas bu de la journée. Non, c'est ça, il était faible. Donc, c'est sûr que t'es pas en pleine forme. Mais comment peut-on évaluer ça? Un test de glycémie? Je sais pas, là. Mais c'est pas ça qui est arrivé, là. Non, mais là, c'est parce qu'il y a eu un accident. C'est donc un cas d'accusation de conduite dangereuse. Quand il y a un accident de même, j'imagine qu'il y a pas, on prend pas le temps de prendre des prises de sang puis de faire souffler dans la balloune. Il l'a embarqué dans l'ambulance puis envoyé à l'hôpital, là. Vers la fin de la décision, le juge écrit comment appliquer ses principes à la situation de l'accusé comme ci. Son procureur soumet d'abord que, selon lui, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le ramadan, le jeûne, la faiblesse, la preuve de l'actus reus ne serait pas faite. Je ne partage pas ce point de vue. L'actus reus de l'infraction consiste dans une conduite dangereuse pour le public eu égard des circonstances. La conduite prouvée et admise de l'accusé qui s'arrête sur la voie de gauche de l'autoroute 55 et recule en déviant de sa voie, devient perpendiculaire à la circulation puis tente de s'engager dans un demi-tour interdit. Regarde, ça constitue une conduite dangereuse, là, nous dit le juge. OK? Le juge, il dit, comme s'il dit, tout le monde est d'accord là-dessus. Reste la question de l'état d'esprit véritable de l'accusé. Ben. Celui-ci a témoigné à ce sujet et la preuve existe donc de ce qu'il en était. J'ai déjà indiqué que je retiens cette preuve du ramadan. Mm. La justification offerte par l'accusé est la panique. La Cour suprême indique que les caractéristiques personnelles de l'accusé ne sont pas pertinentes à l'analyse, sauf incapacité d'apprécier le risque ou incapacité d'éviter de le créer. Appliquer correctement, ça a l'air technique un peu à patente, ouais. Mais je veux quand même le lire, là. C'est une panique imprévisible et nouvelle occultée dans son esprit toute autre possibilité rationnelle de trouver d'autres solutions. Une fois dans celui-ci loin de s'atténuer, la panique s'est amplifiée. L'accusé s'est déchiré entre le désir possible de retourner manger quelque chose à la maison et continuer vers l'hôpital. Mais quand t'as plus la force de prendre une décision de même, là, tu sais. Il était déchiré entre sa religion et la blessure. Tu comprends? Ouais, c'est ce que d'aller à l'hôpital ou aller manger. C'est ça. Ou je retourne chez nous. J'ai-tu le droit de manger? J'avais pas mangé à la maison, mais là, Mais là, j'ai une blessure, là, je pourrais. J'ai-tu le droit? Sa réaction à l'accident est conséquente avec cet état d'esprit. La situation, OK. Je le répète, cette constatation ne change rien au fait qu'il est possible, sinon probable, que la même conduite puisse constituer une faute civile et engager ses responsabilités. D'un autre côté, peut-être pourrait-on prétendre que la présente décision pourrait ouvrir la porte à une excuse facile offerte à d'autres personnes accusées de semblables infractions. Oui, on pourrait prétendre ça. Parce que oui. Je suis un régime aux protéines, monsieur le juge. Je suis faible. Le juge écrit, j'en doute fortement, puisque cette défense nécessite la preuve convaincante d'un état d'esprit véritablement non blâmable. On ne peut pas le blâmer d'avoir suivi son ramadan. Ah non, c'est... Pour ces motifs, l'accusé est acquitté. J'ai bien compris, là. L'accusé est acquitté. J'ai parlé tantôt avec M. Comcy, qui est pas sûr de m'accorder une entrevue. Je lui ai demandé. Mais il confirme que le ramadan est l'un des paramètres de la décision, que ça a amplifié les choses, qu'il n'avait pas bu d'eau depuis 15 heures, pas mangé, qu'il était dans un état paniqué et que tout ça a altéré son jugement. Bref, le ramadan est central à cette cause-là. Et d'ailleurs, cette cause-là est inscrite dans un code jurisprudence. C'est un nouveau cas, mesdames, messieurs, d'accommodement raisonnable. Puis même que je te dirais que le ramadan est peut-être même responsable parce que il s'est coupé le doigt. Tu sais, quand tu vas tailler ta étcède, là, puis que t'as pas mangé depuis 15 heures, ça se peut-tu que ça soit aussi peut-être une cause de... Mais il aurait dû manger parce que sa religion lui permet, comprends-tu? Non, mais avant de se couper le doigt, là, parce qu'on s'entend que l'élément déclencheur, c'est qu'il s'est coupé le doigt. Oui. Quand ça fait 15 heures que t'as pas mangé, t'as pas bu, t'as rien ingurgité dans ton corps, essaye de sortir et aller pelleter, là. Ou sortir, puis aller couper un arbre, puis aller tailler ta étcède. On saute un dîner, puis on est fucké. Imagine. Bonne chance, c'est sûr que t'as des faiblesses, puis à un moment donné, t'as mal au cœur, les lumières ferment un peu, ça revient. Coupe le doigt, oh non, là, ton jugement est tout croche, c'est évident. Encore, puis encore une fois, mais j'ai envie de dire, maudite religion, pas rapport. Là. D'empêcher le... Si Dieu vous demande de pas manger pendant 15 jours, un mois, parle-moi d'un bon Dieu, c'est qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Mais c'est dans la charte, Jean-Claude. C'est une religion de niaisage. C'est dans la charte. Et là, le juge est pogné. Je comprends le juge. Il n'y a pas un juge qui aime ça se faire abrouer par la cour d'appel. Tu connais-tu un juge, toi, qui aime ça se faire avancer par la cour d'appel en disant, un tel juge, t'es dans le champ? Non. Fait que le bon juge Serge Champoux, ça fait dur à dire. Le bon juge Serge Champoux. Dis donc vite, moi. Le bon juge Serge Champoux. Lui, là, il veut se baquer, là. Ça lui tente pas d'avoir des problèmes avec les minorités, puis les musulmans, puis la religion, ça lui tente pas pantoute. Vous comprenez ça, là? Ça lui tente pas. C'est assez évident, là. OK? Fait que lui, c'est parfait, correct. C'est correct, y a pas de problème. Tu sais, tu me dis que t'es musulman. Moi, je vais dire, là, dans l'article 14, là, que c'est pertinent. OK? Fait que j'en veux pas de trouble. Hey, les gars, j'en veux pas de trouble, OK? Je suis baqué. Hein? OK, on est-tu correct, les gars? Parfait. Hein? Ahmed Koumsi est musulman, cela est pertinent. Jusqu'au moment de l'accident, il est en plein ramadan. Voilà. Bravo. Continuez à pas manger. Ça doit être super bon pour la santé aussi, de pas manger de même régulièrement. Peut-être un petit truc. Si vous n'avez pas mangé, si vous avez sauté un dîner, si... vous êtes en plein régime de protéines, et régime de protéines, là, on en parle souvent, Jean-Claude était là-dessus, moi j'étais là-dessus, j'ai perdu une vingtaine de livres, me croise les doigts, je les ai pas pris, Jean-Claude est là-dessus, mais je vous dirais qu'au cours des prochains jours, le régime va débarquer assez solide, là, avec le temps des fêtes, ça se peut que vous ayez des faiblesses, petit truc, si vous faites arrêter, essayez donc ça, voir, la défense de l'islam, je sais pas, je vous dis ça de même, je suis musulman, monsieur le juge, je sais pas. Est-ce qu'ils vont jusqu'à vérifier? Je pose la question. J'imagine. Est-ce qu'ils vont jusqu'à vérifier? Dans son cas, c'est tout à fait vrai. Non, il faut que tu le souhaites. Monsieur Koumsi a dit la vérité, là. Oui. Au bout du compte, Monsieur Koumsi a dit la vérité. Il admet, c'est grave ce qui s'est passé, mais qu'il était musulman. Un bon prof de l'Université de Sherbrooke. Lui, il n'y a rien à se reprocher, là. Au bout du compte, c'est ça qui est le pire. Il n'y a rien à se reprocher. Ce que je veux illustrer, c'est un nouveau cas d'accommodement raisonnable. Qu'en cas d'accident grave, vous dites que vous êtes musulman sur le ramadan et on est en business. En passant, ah ouais, il y a eu des victimes. Ben, qu'on s'organise. Avec la CSST, là. Ils peuvent s'organiser. Qu'on fasse. Hein? De toute façon, regarde. Il y a le numéro de téléphone. Pas de sa faute, Dieu, il a dit de pas manger, là, pendant 15 jours. En tout cas, Stéphane Gagné et sa conjointe s'organise. Numéro de la CSST, en tout cas, je ne l'ai pas avec moi, il y a des pages jaunes quelque part. Vous êtes dans Morelive.